J'ai vu de la jalousie dans le regard de ceux qui disaient m'aider quand je dépendais d'eux. J'ai vu de la jalousie dans le regard de ceux qui disaient m'aider quand je dépendais d'eux. J'ai pas trop quoi dire et des fois je m'en veux. J'suis passé de zoneur à gosse ambitieux. En fait on sera jamais pareil, je connais mes torts, moi je me voile pas la face. À 20 ans pour moi j'étais mort à la base. Un trop plein de larmes a fait déborder le vase. On se nourrit de peur et l'estomac noué. La froideur du monde fait que les cœurs sont gelés dès l'enfance. La clé du bonheur on l'a jamais trouvé. J'ai quitté la ronde, j'avance à contresens. Un gamin de plus qui a les mains dans la merde. Et je crois bien que pour nous bah y'a plus rien à faire. Tu ne peux que gagner quand t'as plus rien à perdre. Au lieu de monter, ils vont creuser la terre. J'ai toujours ces images qui s'effacent jamais. Comme si le temps s'arrêtait. Je vois tous ces visages quand mes yeux sont fermés. Et je commence à m'inquiéter. Gros, je vois bien le regard des gens. Beaucoup de tristesse, pourtant si peu de larmes. À croire que pleurer, c'est exposer son âme. Les larmes sur les joues n'éteignent pas les flammes. En tout cas, moi ce que je vois, t'as beau tout donner, on te volera quand même. T'as beau pardonner, on te mentira quand même. T'as beau raisonner, ils t'en voudront quand même. Je vais laisser tomber, on verra bien qui m'aime. Je suis trop fatigué, ces conneries, je dors mal. 5 heures par nuit, pareil que c'est pas normal. J'ai bien trop la dalle, j'ai bientôt 25. Faut que j'arrête de faire, ça me rapportera que dalle. Que dalle, ouais. À part plus d'ennuis et des problèmes qui traînent. À part moins d'envie et un peu plus de haine. Putain c'est grave, là j'ai besoin de chaleur. J'ai besoin d'amour mais mon cœur est en panne. Les regrets m'entravent et je me dis depuis tout à l'heure. J'ai toujours fait le sourd face aux envies d'une femme. Je suis resté tout seul avec mes rêves de gosse. On verra cette année gros qui sont les boss. Je sais qu'ils m'en veulent, j'ai beaucoup moins de sauce. Je suis resté tout seul car pour l'instant je bosse. J'étais différent, ils m'ont pris pour une chose. Je suis l'enfant d'en bas, je défends pas les mêmes causes. Et tout ce qui leur fait peur bizarrement je l'ose. Le sens c'est ma cam, l'écriture est une dose. Là j'ai besoin d'une dose. Parce que sans écriture je deviens pire qu'un camé sur les nerfs. On dit que la vie c'est dur mais c'est pire quand l'esprit se libère. J'ai gratté des mots comme Baudelaire. Du mal à parler, je suis bien trop solitaire. Peur de prendre des chemins trop linéaires. Refrais, je suis pas là, de crame dans la masse. J'ai fumé toute la conso cette nuit là. Refrais, je suis pas là, je reste à la casa. J'ai roulé sur le long de ma rise là. Refrais, je suis pas là car je suis toujours en bas. Et je vois tous ces connards, leur regard en dit long. Un jour j'irai par là, dis-moi qui m'arrêtera. Sur mon passé crevard, chaque jour je leur dis non. Je suis toujours le même mais j'ai changé. Tous les 3 mois je fais le bilan de l'année. Ouais. Refrais, crois-moi, je vis un instantané. J'ai toujours ma plume, je l'ai juste affinée. Les autres croyaient que j'étais mort. Mon encre est devenue de l'or. J'ai des mots pour chacun de mes torts. Les autres croyaient que j'étais mort. Ils en profiteront pour manger sur ma part. S'ils nous recopient, c'est bien parce qu'on est fort. Je suis toujours au front, ils me pensent à l'écart. Ça c'est que le début, ça fait qu'un an je suis là. Vu que je démarre d'en bas, je dois faire plus que ces gars. Évite de me demander comment ça va. Je sais que tu t'en soucies pas, vous êtes pire que des rats. Des enfants d'en bas, c'est ce qu'ils m'ont dit à l'époque. Ne m'en voulez pas, mon cœur est dur comme le roc. Punk, punk. J'ai vu de la jalousie dans le regard de ceux qui voulaient m'aider quand je dépendais d'eux. J'ai pas trop quoi dire et des fois je m'en veux. J'suis passé de zoneur à gosse ambitieux. En fait on sera jamais pareil. Je connais mes torts, moi je me voile pas la face. À 20 ans pour moi j'étais mort à la base. Un trop plein de larmes a fait déborder le vase. Bunk, bunk.